J'ai perdu mon chat. Qu'est-ce que vous dites ? Moussi, mon petit chat a disparu. Oh mon Dieu, vous avez mis des affiches ? Oui, on m'a dit de mettre une de ses photos. Alors j'ai mis celle-là, vous voyez, où il est si mignon. Et j'ai écrit « Moussi a perdu sa maîtresse ». Appelez, s'il vous plaît, au 01 32 34 45 67. Vous avez fait du bon travail. Vous allez vite le retrouver.